Bonjour, mon nom est Daniel Lemire, je suis le professeur responsable du cours INF 6450, gestion de l'information avec XML. Vous êtes dans la première partie du cours, c'est-à-dire le guide d'études. Si vous n'avez pas Firefox sur votre machine, je vous rappelle que c'est la première activité du cours et que ce navigateur est obligatoire. Comme nous allons le voir plus loin, il est possible d'utiliser d'autres navigateurs compatibles avec les dernières normes XML. Par exemple, le navigateur Opera fait très bien l'affaire. Donc, dans le guide d'études, je vous invite à consulter les objectifs du cours. Qui donc vous permettra de voir qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à aller chercher dans ce cours-là. Certains points importants qu'il faut tout de suite noter, c'est que dans ce cours, il y a beaucoup de programmation. Donc, par exemple, la programmation dite déclarative en XSLT et CSS, mais aussi de la programmation orientée objet en Java. Et puis, bien entendu, il y a tout le contexte un peu social. Nous allons voir, le XML est un langage qui, en soi, au point de vue de l'informatique, n'est peut-être pas d'une très grande importance, mais qui, à cause de son omniprésence, est très important. Donc, il y a un des objectifs qui porte sur la communication de votre compréhension du XML. Donc, le contenu du cours est assez peut être assez intimidant. Il y a beaucoup d'éléments dans ce cours-là. Et puis, le cours est continuellement tenu à jour. À tous les ans, il y a une mise à jour et puis on remet les nouveaux éléments. Mais tout le contenu n'est pas vu en détail. Dans certains cas, on fait simplement vous inviter à aller chercher ailleurs plus d'informations. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de la richesse relative du cours. Dans la section problématique, j'ai écrit un petit texte d'introduction au cours et qui explique un peu quel est le fondement, je dirais presque philosophique, du XML. Et quel point de vue on prend dans le cours. Ensuite, il y a une section module du cours. Le premier module est un module d'introduction à XML et il porte essentiellement sur la définition même de ce que c'est qu'XML. Le deuxième module est un module qui porte plus sur les applications du XML en tant que format pour les documents. Par exemple, vous savez peut-être que les nouveaux formats de bureautique sont des formats XML. Donc, par exemple, Microsoft fait une utilisation extensive du XML dans Microsoft Office, par exemple. Et bien entendu, le web, il y a beaucoup de documents XML sur le web. Le troisième module, c'est ce que moi j'appelle les technologies XML, c'est-à-dire donc les langages de programmation qui sont propres au XML. Donc, il y a XSLT, CSS, XPath, on va aussi inclure XQuery et puis diverses autres choses comme ça. Le module 4, c'est le traitement du XML en Java. En fait, c'est davantage le traitement du XML dans un langage autre que un langage à base de XML. Et donc, un élément important là-dedans, dans ce module-là, dans ce quatrième module, c'est le modèle DOM, Document Object Model. Le cinquième module, c'est un module qui porte davantage sur l'aspect métadonnées. C'est-à-dire que le XML est beaucoup utilisé pour représenter des données au sujet de d'autres données. Et principalement, on utilise pas exclusivement, mais principalement, on utilise le Resource Description Framework, RDF, qui est très populaire parmi les gens, par exemple, qui s'intéressent à la sémantique, sur le web, aux ontologies, etc. Le cours a la particularité d'être entièrement en XML, exception faite d'un peu de HTML que les services d'édition ont cru bon d'utiliser. Mais grosso modo, il y a beaucoup, beaucoup des documents que vous allez utiliser en ligne qui sont en XML. Par ailleurs, même la version papier du cours est extraite du XML. Donc, tous les textes sont d'abord écrits en XML par moi-même et ensuite transformés soit en la version en ligne, soit en une version papier. Bon, l'encadrement se fait de façon télématique par courriel, normalement. L'évaluation, il y a 40% de l'évaluation qui est un examen en salle. Et ensuite, il y a 6 travaux, dont un travail qui est davantage une participation au forum de discussion, dans le but d'essayer de vous amener à discuter entre vous des différents sujets d'actualité du XML. Donc, dans la section donc gestion du temps, on vous propose, hein, c'est une proposition, on vous propose une répartition du temps pour vous donner une espèce d'idée des ordres de grandeur, du temps nécessaire à chacune des activités, donc incluant les temps de recherche par vous-même, lecture, etc. Par exemple, vous êtes totalement permis par exemple, d'acheter un livre, ou peut-être que vous avez déjà des livres portant sur XML, donc les lire, il faut lire les textes, il y a quand même des centaines de pages de textes à lire. Il y a des questionnaires d'évaluation, d'auto-évaluation qui sont extrêmement importants et qui peuvent vous prendre pas mal de temps. C'est, bon, et puis on rend aussi disponible des versions PDF du cours qui correspondent plus ou moins à la version papier que vous avez obtenue. Et finalement, on termine avec la section remerciements où, bien sûr, ce cours-là, c'est essentiellement mon œuvre, c'est l'œuvre du professeur, mais ça serait jamais aussi bon si il n'y avait pas tout plein de gens autour pour faire des commentaires et puis pour avoir suggéré plein de choses. Et puis, bien entendu, tout l'environnement graphique, moi, je ne dessine pas, c'est les gens de l'édition qui ont fait ça, et je les remercie chaleureusement. Alors, bon cours, je vous invite à faire le tour par vous-même et à lire tous les éléments du guide d'études avec attention. Merci.